Chapitre 6. Système Hetzal. Aurora 9, Longbeam de la République. 75 minutes avant l'impact. Vous êtes sûr, capitaine ? Demanda le contremaître Inamine en désignant son écran où s'affichait le tracé d'une des anomalies hyperspatiales qui filait vers le centre du système. Il faut qu'on dégomme ce truc avant qu'il ne tue quelqu'un, voire des tas de gens. Le problème, c'est que nos ordinateurs balistiques sont incapables d'en calculer la trajectoire. L'anomalie va trop vite. Au mieux, je dirais qu'on a une chance sur trois de la toucher. Le capitaine Bright secoua la tête dans un bruissement de tentacules. Il savait qu'il aurait sans doute dû réprimander Inamine pour avoir remis en cause ses ordres. Ce gamin faisait ça tout le temps. Il était jeune pour un humain, guère plus de deux décennies, et agissait constamment comme s'il était plus malin que tout le monde. Bright laissait filer d'habitude. La vie était trop courte et les vaisseaux qu'il dirigeait bien trop légers pour qu'il les alourdisse par des tensions malvenues. On ne pouvait pas qualifier d'insubordination une question pertinente de temps à autre. « Une sur trois », songea-t-il. À quoi s'était-il attendu au juste ? Eh bien, à un peu plus d'une chance sur trois de mener à bien cette mission. Le Longbeam, immatriculé sous le nom Aurora 9, était un appareil à la pointe du progrès, tout droit sorti des chantiers de la République sur Osnian Prime. S'il ne s'agissait pas à proprement parler d'un croiseur de guerre, il valait mieux éviter de s'y frotter. Pourvu d'un réseau de processeurs capables de répondre à toutes sortes d'attaques simultanées, il pouvait tirer avec ses blasters, ses missiles et ses contre-mesures défensives lors d'une même salve. Sans compter qu'il n'était pas déplaisant à regarder. Bright lui trouvait des similitudes avec ses poissons-marteaux qu'il chassait chez lui, sur Glee Anselm. Un crâne massif et allongé terminant un corps fuselé, doté d'un aileron élégant et sinueux. Une créature robuste et magnifique, pas de doute. Mais de l'autre côté, leur cible, l'un des mystérieux objets qui traversait à toute allure le système Hetzal, frisait la vitesse lumière. Elle avait surgi de l'hyperespace comme le projectile chauffé au rouge d'un lance-lime. Bien qu'à la pointe du progrès, l'Aurora 9 ne réalisait pas de miracles. Les miracles, c'était la spécialité des Jedi, qui, de toute évidence, étaient occupés ailleurs pour le moment. Tirez 6 missiles, ordonna Bright. Inamine hésita. Nous n'en transportons pas plus, capitaine. Vous êtes sûr ? Bright hocha la tête. Il désigna l'écran d'Inamine. Un point rouge, l'objet inconnu, se dirigeait vers un cercle vert représentant une station de captage solaire située à équidistance des trois soleils du système Hetzal. Encore assez éloigné, il se rapprochait toutefois dangereusement. L'anomalie file droit sur cette station solaire. Selon les données de Hetzal Prime, elle abrite un équipage de 7 personnes. Nous ne pouvons pas l'atteindre et procéder à son évacuation avant qu'elle ne soit touchée, mais nos missiles nous devanceront. Si nous avons une chance sur trois d'abattre cet objet, nous doublons nos chances en tirant 6 projectiles. Pas l'idéal, mais... Le dernier membre de son équipage, l'enseigne Peoples, fit bourdonner sa trompe comme s'il s'apprêtait à parler. Mais Bright l'arrêta d'un geste et poursuivit aussitôt. Oui, Peoples, je sais que ce calcul est fantaisiste. Mais c'est une équation différente qui me préoccupe. En tirant 6 missiles, nous pouvons peut-être sauver 7 personnes. Voyons comment on se débrouille. Les systèmes de ciblage de l'Aurora 9 se mirent à cogiter. À la pointe du progrès, ne semblait plus vraiment justifié maintenant que le redoutable point rouge s'approchait des occupants prisonniers d'une ferme solaire sans aucune issue de secours. Le Longbeam se précipita vers la station à vitesse maximale, réduisant la distance que ses projectiles auraient à parcourir et présentant un intéressant problème mathématique de trajectoire, d'accélération et de physique appliquée, ce qui réveilla les instincts tridimensionnels de Bright, des instincts nés d'une vie passée en grande partie sous l'eau. Il secoua de nouveau la tête, faisant bruire l'épais bouquet de tentacules verts qui émergeait de sa nuque, agacé de se laisser distraire alors que des gens, là-bas, étaient en train de prier pour survivre. Les missiles s'élancèrent, six bruits sourds et feutrés réverbérés par la coque de l'appareil, et l'arsenal de l'Aurora 9 se trouva réduit au laser. Les projectiles fusèrent, laissant de minces traînées de fumée pour marquer leur direction. Ils disparurent en un instant, accélérant pour atteindre leur vélocité maximale en quelques secondes. « Missile en route !» déclara Inamin. Tout reposait désormais sur ce fameux réseau de processeurs et la pertinence des trajectoires qu'elle avait calculées pour chaque missile. Peut-être que tous les six toucheraient au but. Ce n'était pas impossible. Les membres d'équipage fixaient comme un seul homme le moniteur montrant les six missiles, l'anomalie qui filait à une vitesse stupéfiante, leur propre vaisseau et la station de captage solaire qui risquait de devenir sous peu le point de collision des huit objets en mouvement. Le premier missile disparut de l'écran. Rien d'autre ne changea. « Le missile 1 a manqué sa cible », commenta inutilement Inamin. Deux autres missiles s'éclipsèrent également. Bright leva la main avant qu'Inamin ne puisse s'exprimer de nouveau. « Nous avons vu, contremaître, » dit-il. Deux autres ratés. Il n'en restait plus qu'un. Tout le reste demeurait inchangé. Le dernier projectile disparut à son tour, à bonne distance de l'anomalie en approche. Un soupir de désespoir commun se fit entendre sur la passerelle. « Et les blasters ?» demanda Bright, qui connaissait déjà la réponse. « Navré, capitaine !» répondit l'enseigne Peoples dans un gémissement flûté et haut perché. « L'artilleur le plus doué de l'univers n'y parviendrait pas, et je compte à peine parmi les 10 meilleurs. » Bright soupira. Les membres de l'espèce de Peoples avaient une vision assez unique de l'humour. Leurs blagues restaient plutôt drôles, mais ils choisissaient curieusement leur moment. « Merci, enseigne. » La station solaire apparaissait désormais sur l'écran, vaste structure grêle qui rappelait à Bright les coraux plumes de la mère patrie. Des centaines de bras disposés en spirale tournaient autour d'une sphère centrale où vivait et travaillait l'équipage. Chacune de ces branches comportait des yeux qui clignotaient et pivotaient lentement sur toute sa longueur, absorbant la lumière des trois soleils, qui faisait bénéficier Hetzal Prime et ses mondes satellites de saisons fertiles d'une durée unique. La station retransmettait la lumière des soleils aux mondes agricoles en la stockant et en la canalisant grâce à une technologie exclusive qui faisait la fierté du système. La plateforme de captage était splendide. Bright n'avait jamais rien vu de tel. On aurait pu croire qu'elle avait poussé là. Et peut-être était-ce le cas. On pouvait théoriquement cultiver n'importe quel végétal sur les mondes du système Hetzal. Peut-être cela s'étendait-il aux stations spatiales. Puis il y eut une traînée lumineuse. Trop rapide, même pour des yeux aussi performants que les vastes orbes sombres de Bright, pourtant développés par l'évolution pour distinguer les détails dans les abysses obscurs des océans de Gly Anselm. Elle détruisit la station instantanément. En une fraction de seconde, le complexe intact et fonctionnel s'était métamorphosé en boule de feu dont la moitié des bras arrachés dérivait lentement dans l'espace. La sphère centrale avait survécu, même si des flammes léchaient l'extérieur de la coque, se livrant au balai muet du feu en apesanteur. Sous les yeux de Bright, les éclairages extérieurs de la station clignotèrent et s'éteignirent. Il porta une main à son front, cligna des yeux, une fois, lentement. Puis il se retourna vers son équipage. « Nous ignorons si les occupants de cette station sont morts », déclara-t-il en examinant leur expression grave. « Je voudrais effectuer un sauvetage, mais... » Il désigna l'écran où l'épave en feu grandissait à mesure que l'Aurora 9 s'en approchait. « Ceci pourrait s'effondrer à tout moment. » Ou exploser, voire imploser, je n'en ai aucune idée. Mais le fait est que si nous y sommes arrimés lorsque la station se désintègre, nous succomberons nous aussi. Bright tapota du bout d'un doigt l'un de ses tentacules. Je suis Nautolan, ce qu'aucun de vous n'ignore. La peau verte, les grands yeux noirs, tout cela est caractéristique. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que ces tentacules me permettent de capter les phéromones émises par les autres êtres et ainsi d'appréhender leur état émotionnel. Et je sais donc que vous êtes terrifiés tous les deux. Peoples ouvrit la bouche. Miraculeusement, il s'abstint de plaisanter et la referma aussitôt. Je comprends que vous ayez peur, poursuivit Bright. Mais nous avons une mission. Je le sais, et vous le savez, l'un et l'autre. Il faut qu'on l'amène à bien. Inamine et Peoples échangèrent un regard, puis reportèrent leur attention sur leur capitaine. Nous sommes tous la République, pas vrai? Dit Inamine. Bright opina du chef. Il sourit, dévoilant ses dents. Absolument, contremaître. Il désigna Peoples. Enseigne, conduisez-nous là-bas.